chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Na salimia kila mmoja wenu mujina ya Bwana Yesu Kristo. Nous saluons en même temps les frères qui sont connectés. Tunasalimia pia banduku na badada banatufuata mjia ya mtandao. Nous vous souhaitons un bon dimanche. Tunamitakia siku ya yenga mzuri. Et que le Seigneur vous bénisse tous. Na Bwana Mungu apate kumibariki nini yote. Il y a quelques salutations. Kuko ma salamu fulani fulani. Que les frères vous ont envoyé. Ile banduku yenu barimisalimia. Il y a le frère Kala Lakali, le prédicateur de Lubumbashi. Kuku nduku Kala Lakali, yeye ni mubiri kule Lubumbashi. Le frère Deborah. Nduku Deborah. Delikasi. Wa Kulikasi. Le frère Patrick aux États-Unis. Nduku Patrick kule ku America. Le pasteur Leonard de Kibumba. Pastori Leonard wa Kibumba kule Ukivu. Le frère Joseph Diacre au Burundi. Donc Joseph yeye ni shemashi kule ku Burundi. Frère Elisha Kitumaini, pasteur de la France. Donc Elisha. Donc Elisha Kitumaini ni pastori kule ku France ku Marseille. Le frère Mbuituité au Gabon. Donc Mbuituité kule ku Gabon. Pasteur du port au Port-Prince. Pasteur de Paul kule ku Port-Prince. Et il y a le frère Jean-Marie qui vous a aussi salué au nom de Jésus. Na kukutena nduku Jean-Marie na ya na misalimia mujina ya Bwana Yesu Kristo. Si cela est la volonté du Seigneur. Kama ni mapenzi ya Mungu. Parce que la semaine ici elle est très très très surchargée. Jui juma hiyo tutakuwa na kazi mingi. Avec le deuil que nous avons. Na bilio ile tukunayo. Et avec la visite que nous aurons, na kutembelewa kule batatutembelea, nous verrons comment le Seigneur va le faire. Tutaona namna gani Bwana Mungu ataifanya. Mardi et mercredi, mukazi mbili na mukazi tatu, il y a le frère Jean Mundeke qui apportera la parole. Kuku nduku Jean Mundeke yeye ndio ataubiri neno. Jeudi et vendredi, mukazi nne na mukazi tano. Il y a le frère Elisha, pasteur de Marseille en France. Kukunduku Elisha, pasteur à Marseille, kule ku France. Donc il prêche jeudi et vendredi. Jataubiri mukazine na mukazitano. Je vais récupérer la chaire dimanche. Mimi tachugua mimbari musiku ya yenga. C'est peut-être pour donner le programme de mon voyage. Na wazia ni kuleta mapu ya safari yangu. Je n'ai qu'une semaine ou deux semaines. Ou une semaine et demie au milieu de vous. Nikutuna juma moya wala juma mbili katikati yenu. Parce que je dois quitter le pays. Tunapashi kutoka mwinchi. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Nous voulons dire aux frères et aux sœurs. Tunapenda kusema kubanduku na badada. Quand le ciel est nuageux. Wakati mawingu ina yala wala kukumvula. Ou quand il pleut. Wala kama kukumvula wala mvula inashambulia. Ne passez pas tout autour de nos paratonnerres qui sont placés dans la parcelle. Musipite pembeni ya ile paratonnerre wanaweka mpango ya kanisa. Et ma paratonnerre mbiri tuweka pour protéger les bâtiments et les instructions et les instruments. C'est des paratonnerres que nous avons érigés pour protéger l'église et les instruments. Kama mbingu iko yenye kufungwa na mawingu ya mvula. Si le ciel est nuagé. Au kama mvula iko na pika. Ou soit quand il y a la pluie. Mushanze kupitia kumpembeni ya ile mapoto ya maparatonnerre. Évitez de passer tout autour de ces paratonnerres. Minimum 5 mètres apana apa mushikwe na habitude ya kugusa ku ile mapoto. Au minimum 5 mètres n'est pas l'habitude de toucher à ces poteaux. Je pense pendant qu'on est entré qu'on va commencer à ranger la parcelle. Nawazia wakati ile tutatengeneza kiwanja ya kanisa. Bata administrateur bata clôturer pour que les gens n'aient pas accès. Les administrateurs vont barricader pour que les gens ne puissent pas accéder à ces poteaux. Qu'ils ne puissent pas toucher à ces poteaux. Donc, je répète le communiqué à Mwisho. Je répète le dernier communiqué. Wakati mvula au wakati mbingu iko nyikuyala na mawingu. Pendant la pluie ou lorsque le ciel est nuageux. Mwende mbari na mapoto ya maparatonere. Éloignez-vous de ces poteaux ayant des paratonnerres. Na ba frères qu'on a parqué ma myotoka pale mbele. Même les frères qui parlent kumbele, tout autour de ces poteaux qui sont devant. Évitez de placer vos véhicules tout autour de ces poteaux de paratonnerres. Je pense tout est bien compris. Nawazia munasikiliza mzuri. Est-ce que tunasikilizana? Levons-nous pour la lecture de la parole. Tusimame juu ya usomi wa neno la Mungu. Dernier temps, on commence le culte avec un retard. 25 minutes de retard. Dans la prédication, c'est trop. Ma dakika makumi mbili na tano mahubiri ni ya mingi zaidi. Ça m'empêche d'évoluer. Ninanizuiza kusonga mbele. Inclinons nos têtes. Tu n'as mis chez Bichabé tout. Notre Dieu est notre Père. Mungu wetu na baba yetu. Que ton nom soit sanctifié. Jina lako ipate kusifiwa kutakasiwa. Que ton règne vienne sur nous. Ufalme wako uje yulu yetu. Et que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos cœurs. Comme toi tu l'avais arrêté au ciel. Ce matin nous te sommes infiniment reconnaissants. Parce que tu nous as permis que nous puissions nous réunir. Afin de nourrir nos âmes. Merci pour toutes les belles décisions que tu prends sur nous. Pour nos frères et nos sœurs qui sont éprouvés, dans notre foi nous croyons, rien ne peut arriver dans notre vie sans que l'Éternel l'ait ordonné. Et pour tout, nous te disons merci. Toi, le véritable consolateur, console les frères, console les sœurs, et console l'Église. Seigneur, tu as promis que là où se rencontrent deux ou trois en ton nom, tu seras au milieu d'eux. Ce matin ici, Seigneur, ce n'est pas au nom d'une tribu, ce n'est pas au nom d'une association culturelle, ce n'est pas pour faire la politique ou pour parler de l'argent, c'est au nom de Jésus-Christ que nous sommes ici. Et tu as promis de venir au milieu de nous pour nous bénir au nom de Jésus-Christ. Bénis chaque frère, bénis chaque sœur et toutes les sœurs et les frères qui sont connectés. Nous avons besoin de ta consolation. Donne-nous tout ce qui nous est nécessaire pour que nous soyons de véritables chrétiens. Seigneur, parle à nos cœurs infirmes. Quand nous quitterons ces lieux, que nous puissions affirmer que c'était nécessaire que nous entendions ces paroles. Merci Seigneur Jésus. Bénis ta parole. Bénis chacun de nous. Bénis tes serviteurs dans les voyages missionnaires. Souviens-toi d'Israël, ton peuple. En tout et pour tout, nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Ézéchiel 25, Ezekieli sura yake makumi na tano. Ezekiel au chapitre 25. Ezekieli sura makumi mbili na tano. Nous commençons au verset 1. Ntanzia msari ya kwanza. Nous prendrons le verset 2, 3. Tachugua msari ya pili na tatu. Et nous prendrons le verset aussi 6. Tachugua pia na msari ya sita. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Neno ya Yehova ikanielekea mu misemo hiyo. Fils de l'homme. Mwana wa mtu. Tourne ta face vers les enfants d'Amon. Geuza uso yako na uangalie batoto ya Amoni. Et prophétise contre eux. Na watabiri. Tu diras aux enfants d'Amon. Utambia matoto ya Amoni. Écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Musikilize neno ya Bwana na ya Yehova. Ainsi par le Seigneur l'Éternel. Ivi Bwana Yehova nasema. Parce que tu as dit ah ah. Sawa vile ulisema ah ah. Sur mon sanctuaire qui était profané. Yulu ya ekalu yangu ile murichafua murikufuru. Sur la terre de Jérusalem d'Israël qui est dévastée. Yulu ya inchi ya Israël ile muriteketeza. Et sur la maison de Judas qui allait en captivité. Na yulu ya nyumba ya Yuda ile lienda mubufungwa. Voici, je te donne en possession au fils de l'Orient. Tazama mina kutoa sawa mali ya batoto ya asubuhi. Ils établiront au milieu de toi leur enclos. Bataweka katikati yabo ma ukuta yabo. Et ils placeront leur demeure. Na bataweka makao yabo pale. Ils mangeront tes fruits. Batakula matunda yako. Ils boiront ton lait. Na batakunywa maziwa yako. Verset 6. Msari ya sita. Car ainsi par le Seigneur l'Éternel. Wani ivi Bwana Yehova nasema. Parce que tu as battu des mains et frappé du pied. Sawa vile ulipika migono na kupika migu. Parce que tu t'es réjoui de dédaigneusement. Wani ulifurahi na kazarau. Et du fond de ton âme du fond de l'âme. Na katika upana ya nafsi yako. Au sujet de la terre d'Israël. Kuhusu muji ya Israeli. Voici, j'étends ma main sur toi. Tazama na kunyoloshia mkono. Et je te livre en proie aux nations. Na mina kutoa sawa chakula ya mataifa. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana Mungu aongeze baraka usomi wa neno lake. Israël dans la prophétie. Israël katika unabii. Israël avec ses voisins méchants. Israël pamoja na bajirani yake ya mpaka bakaidi. Qui ne sont pas autre nation que son que ses propres frères. Bale ba mataifa haina batu bengine ni banduku yake. Tous les voisins d'Israël sont ses frères du sang. Ils viennent de la même source. Ils ont le même sang. Mais à cause de la bénédiction de l'Éternel sur Israël, alakini kwa ajili tu ya baraka ya Mungu yule ya Israeli, et du choix qu'il avait bénéficié ou de l'élection qu'il avait bénéficié de l'Éternel, na kwa ajili tu ya vile Yehova alichagua Israeli, ses frères l'ont haï. Aba banduku yake bari muchukia Israeli. Une haine interminable. Chuki moya yasipo kumalizika, yasipo mwisho. Ils furent contre leurs frères. Kasirani le barisigiria ndukuyabo. Qui les amène à se venger. Il est na masukuma bamulipise kisasi. Et à vouloir sa disparition sur la terre. Na kutafuta Israël a pate kupotea pa dunia. Afin qu'il se partage son territoire. Ili bapate kugawanya na inchi yake. Ses propres frères banduku yake mwenyewe sont jaloux de leur propre sang. Bana mushikiria buivu nduku yabo wa damu. Ils le maltraitent. Bana mutesa. Ils l'outragent. Bana mutukana. Il parle de lui d'une manière dédaigneuse. Banamusema na kazarau na kumbeula. Il ne le respecte pas. Abamoshimie kamwe. Il profane ses sanctuaires. Banakufuru ekalu yake. Il profane ses peuples saints. Banakufuru itaifa takatifu. Il profane même la terre que Dieu lui a donnée. Bana kufuru hata inchi ile Mungu alipatia Israeli. Une très mauvaise chose. Kitu kibaya sana. D'agir ainsi à l'égard d'un frère. Kya kutenda hivi kumtendea ndugu yako. Ils sont arrogants. Beko ba majivuno ba kiburi. Ils sont orgueilleux. Na batu ba majivuno. Et leur orgueil na majivuno yabo les amène même à ignorer Dieu. Ina bapeleka hata kumusabu Mungu. Les amène même à mépriser Dieu. Ina basukuma hata kumubeula Mungu. Ils agissent méchamment contre leurs frères. Manatenda na ukaidi yulu ya ndugu yabo. Même sans tenir compte de la présence du Seigneur. Bila kuangalia hata uwepo wa Bwana. Une très mauvaise chose. Kitu kibaya sana ikyo. Nous ne devons pas avoir de tels sentiments à l'égard de nos frères. Sisi atupashi kuwa na mania ya hivyo mbele ya banduku yetu hapana. À l'égard de nos sœurs. Mbele ya badadetu hapana. Ils n'ont aucun sentiment de pitié. Abana nani hata kidogo ya mapendo ya buluma. Envers leurs frères. Mbele ya banduku yabo. Pas de miséricorde. Abana na rema. Pas de pardon. Hakuna usama. Pas de réconciliation. Hakuna mapatanisho. Rien comme dialogue. Hakuna ta kuongea. Mais avec une décision ferme. Na mipango ya nguvu. Il faut qu'Israël disparaisse. Inapashe tu Israël apate kupotea. Quelle méchanceté. Ukaidi ya namna gani hiyo? Qui se trouve dans le cœur des frères d'Israël. Yenye kupatikana ndani ya mioyo ya banduku yake ya Israeli. Dans leur méchanceté, dans leur colère. Mukaidi yabo na mukasirani yabo. Ils ont méprisé le Dieu d'Israël. Balumbeula Mungu wa Israeli. Et ils se sont formés leur propre Dieu, des idoles. Bakajitungia Mungu wabo mwenyewe wala sanamu yabo. Banakatala Mungu wa kweli. Ils ont refusé le véritable Dieu. Banajifanisha miungu ya bongo. Ils se sont fabriqués des faux dieux. Bananza kuabudu miungu ya bongo. Ils ont commencé à adorer des faux dieux. Nduba shikuye mu communion. Pour qu'ils ne soient pas en communion. Ndani ya Mungu wa kweli na Israël qu'ils considèrent comme leur ennemi. Dans le véritable Dieu d'Israël ou le banana sawa adui wabo. C'est horrible. Ii ni mbaya kabisa. D'avoir de tels sentiments à l'égard des frères et sœurs. Ya kuwa na mania ya hivyo mbele ya banduku na badada. C'est pourquoi nous avons pris cet aspect des choses. Quel est l'aspect? Maneno gani? Le comportement des frères d'Israël. Matabia ya banduku yake ya Israeli. Qui sont devenus méchants à l'égard de leurs frères. Bale banakuwa baba kaidi mbele ya banduku yabo. Et nous l'avons appliqué sur nous-mêmes. Na kuitumia yulu yetu sisi wenyewe. Voilà pourquoi ces choses ont été écrites. Joko mana ibitu bali biandika. Ce n'est pas seulement pour les lits. Ça va une histoire, une belle histoire. Ça va d'ici, Mzuri. Je me réjouis parce que beaucoup de frères et de sœurs m'ont dit que non, non, pendant qu'on lisait ces choses, on ne comprenait pas. Maintenant, nous comprenons. Oui, les choses de la Bible sont difficiles. Surtout l'Ancien Testament. Surtout que Dieu utilise des termes anciens. C'est difficile de comprendre le sens. Il faut que le Saint-Esprit les révèle. Effectivement, ces choses ont été écrites. C'est pour nous amener à nous éloigner de ces comportements méchants, haineux, de la fureur, du meurtre, de tous ces mauvais sentiments qui se retrouvent dans les frères d'Israël, dans tous les voisins d'Israël, pour que nos sentiments soient toujours purs et envers Dieu et envers l'Église et envers nos frères et envers nos sœurs. En réalité, Dieu veut que nous vivions en paix les uns les autres. Il ne doit pas y avoir parmi nous des conflits, des querelles, des calomnies, de la haine, de l'animosité. Vous voyez, ces choses-là ne doivent pas être au milieu de nous. Des calomnies. Pourquoi? Nous sommes des frères dans le sang précieux, le sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Même si un frère t'a offensé, même si une sœur t'a offensé, soyez indulgents, pardonnez. Voyez, l'amour couvre une multitude de péchés. N'ayez pas de rancune contre les frères. N'ayez pas de rancune contre les sœurs. Ne développez jamais ce sentiment de méchanceté dans votre cœur. Non, bien-aimés frères, non, bien-aimés sœurs, n'ayez pas de l'amertume envers les frères et les sœurs. C'est l'amour propre. L'amour parfait verra le Seigneur. Et nous, nous sommes ici, c'est pour voir le Seigneur. Nous ne sommes pas venus ici pour former une mutualité, une société d'entraide. Nous sommes ici pour nous préparer parce que bientôt Jésus vient. Il ne viendra pas trouver une église en conflit, une église divisée, les gens en guerre, les uns contre les autres. Non, bien-aimés frères. Non, bien-aimés sœurs. C'est vrai. Si nous comprenons ça, nous serons une église heureuse. Si nous vivons ça, la bénédiction de Dieu reposera sur nous. Voyez bien mes frères. Voyez bien mes sœurs. Je vais continuer. Je parlerai sur la Syrie, qui est Damas. Je parlerai sur Gaza. Je parlerai sur l'Égypte. Et on va voir comment le Seigneur va nous conduire, comme on n'a pas beaucoup de temps. Oui, bien mes frères. Devons éviter des conflits. Même si un frère a mis une ville où on a mis, il ne croit pas de la même manière que toi. Même si lorsqu'un frère et qu'on a opinion contraire que yako, mawaja kwa chana yako. Il a des opinions différentes avec ce que toi tu as. Même s'il croit une fausse doctrine. Atakama kiwa na ma. Marelash anamini bintu bya bongo. Il croit aux faussetés. Oui, en tant que mutoto wa Mungu. Toi, en tant qu'enfant de Dieu. Gardez toujours de bons sentiments à son égard. Uwe paka na mania mzuri mbele yake. Imani yake ni mambo iko na mwangalia. Sa foi le concerne. La foi est individuelle, le salut est individuel. Kama yeye anaamini vya bongo, ni yeye ndio atapotea. C'est lui qui sera perdu. Kama yeye kuna maisha ya fujo, ni yeye ndio atapikwa na Mungu. Mais we hapana kumsaidia kuingia uma esprit yake, utapikiwa pamoja naye. Ensemble avec lui. Oui, bien aimé frère. Anamini bia bongo ni nafsi yake itapotea. Il croit au mensonge, c'est lui qui sera perdu. Mais save eko mwenye kuumbwa. Comme il a été créé. Kwa mfano ya Mungu. À l'image de Dieu. Umheshimie. Il faut le respecter. Parce que ni muntu. Parce que c'est un humain. Mais imani yake ya bongo. Sa force. Hapana kugusa ako. Il faut pas toucher à sa mafundisho ya bongo. Sa force. Hapana kuigusa. Il faut pas toucher à ses. Si ses sentiments. Kama ni yake. Demeure en nous. Ignore jamais. Kama ni yake. De divisions qu'on voit aujourd'hui même dans le message ici, des divisions bestiales qui sont suscitées par la haine, par des hommes charnels, parce que tous ces hommes ici, tous ces frères d'Israël, ce sont des hommes charnels, ils haïssent l'homme spirituel qui est Israël. Ce sont les charnels qui persécute le spirituel. Un spirituel ne peut pas persécuter un charnel. Même aujourd'hui, quand Israël combat ses frères ennemis, c'est pour se défendre. Ce n'est pas par haine qu'il le fait. Et il le fait selon la volonté de Dieu. C'est ça la différence. Que le Seigneur bénisse. Nous avons parlé d'Amon. Quand vous regardez Amos 1, verset 13, ukiangalia Amos sura ya kwanza mstari ya 13, Dieu parle des crimes d'Amon. Amon. Anasema kuhusu mauaji ya Amon. Amona. Amona. Ah, pour que tout le monde comprenne. Yeah. Amona. Amona. Voilà. Dieu parle de quatre crimes. Mungu anasema kuhusu mauaji ine. Premier crime. Mauaji ya kwanza. Amon avait profané. Amon alikufuru. Un Dieu. Kya kwanza alimkufuru Mungu. Deux, le sanctifier le sanctuaire. Kya pili alikufuru hekalu ya Mungu. Trois, le peuple d'Israël. Kya tatu alikufuru taifa ya Israeli. Et dans sa méchanceté, il a installé l'idolâtrie sur la terre sainte. Premier crime. Quelle méchanceté. Il a traité tout ce qui était saint et sacré. Avec mépris na et sans aucun respect. Na bila heshima hata kidogo. Nous en avons parlé vendredi. Turi semeze ya sana msiku wa kastano. Et nous rappelons à chacun de nous. Tunakumbusha kila mmoja wetu. En tant que fils et fille de Dieu. Sawa mtoto mwanaume na mwanamke wa Mungu. Dans toutes nos relations. Mumapatano yetu yote. Avec Dieu. Ile tuko nayo na Mungu. Avec le peuple de Dieu. Na taifa ya Mungu. Avec les choses de Dieu. Na bitu ya Mungu. Nous devons être animés de la crainte de Dieu. Tunapashi kuongoziwa na boka kwa kumogopa Mungu. Nous devons honorer. Tunapashi kuheshimia. Tout ce qui appartient. Nous devons honorer Dieu. Mungu, honorer le peuple de Dieu. Taifa ya Mungu, et ce qui appartient au Seigneur. Na kuheshimia biote benye kwa bia Bwana Mungu. Éviter mwepuke d'être un profanateur. Non, bien-aimé frère. Ne traitez jamais des choses sacrées avec mépris. Bitu takatifu na makufuru, apana. Et sans respect. Na bila heshima hapana. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Mais regardez Amon dans son deuxième crime. Tazameni Amon muuaji yake ya pili. Il était animé d'une arrogance. Aliongozwa na kiburi. Terrible. Ya mno. Qui l'a conduit à parler avec dédain contre Israël. Dieu ne peut pas pardonner ça. Vous parlez avec dédain contre son peuple. Dieu ne veut pas cela. Dieu ne voudra jamais cela. Parlez toujours avec respect à l'égard des frères et égard des sœurs. Ne soyez pas arrogant envers les frères. Ne soyez pas arrogant envers les sœurs. Non, bien-aimés frères. Regardez dans sa haine, dans sa méchanceté, dans son manque de respect. Amon a fendu les ventes des femmes enceintes. Il a effondré les femmes enceintes. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Quelle fureur. Sans crainte de Dieu. Dieu dit, je ne peux pas pardonner ces crimes. Oui, bien-aimé frère. Et dans sa méchanceté, il a grandi son territoire en versant les champs sans tenir compte même de l'héritage d'Israël. Ça, Dieu ne peut pas accepter. Chacun doit agir selon ses limites que Dieu lui a données. Oui, bien-aimé frère. Et Dieu ne pouvait pas pardonner ça. Dieu ne le fera jamais. Il est juste. Il aime des choses correctes. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Et comme nous l'avons dit, la Syrie Suria a suivi le même chemin que ses frères. Nayo ilifuata njia moya moya pamoja na banduku yake. La Syrie Suria s'est aligné derrière ses frères. Ilijipanga nyuma ya banduku yake. Derrière la haine de ses frères. Ilipanga nyuma ya chuki ya banduku yake. Derrière la colère de ses frères. Ilipanga nyuma kasirani ya banduku yake. Pour agir aussi comme méchamment. Dieu a kutenda tena naye na ukaidi. Contre Israël. Mtendea na ukaidi Israeli. Dieu aussi n'a pas pardonné ça. Mungu naye asikurumie maneno haya hapana. Les Syriens. Wa Suria. Viennent d'Aram. Wanatokea kuaram. Les Syriens viennent d'Aram. Wasuria wanatokea kuaram. Aram est le fils de Sem. Aram ni mtoto yake ya Sem. Sem est le fils de Noé. Sem naye ni mtoto wa Noa. Toujours frères d'Israël, ils ont toujours le même sang. Paka banduku yake Israël, beko na damu moya na Israeli. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Dio nduku na dada mpendwa. Les Syriens, wa Suria, sont les premiers occupants ou habitants. Bonjo bakaji ba kwanza. De ce territoire que nous appelons aujourd'hui la Syrie. Ba ile jimbo tuku naita leo Suria. Et à l'époque ancienne, zamani, on les appelle les Cananéens. Les Phéréziens, c'est toujours les mêmes gens. Mais Maman Tumbo Mbalimbar, comme je vous l'ai expliqué vendredi. Ah, des différentes générations, comme je vous ai dit. Banduku Mbalimbar. Ah, ce sont des différents frères. Ni Banduku Bakwa Chana Chana. Vous voyez bien mes frères. On a Banduku Mpendwa. Il y a les Cananéens, il y a les Phéréziens et les Arméniens. C'est lorsque ces premiers occupants sont partis, suite aux guerres, les Assyriens, qui étaient un grand royaume, ilikuwa ni ufalme mkubwa. À une certaine époque, wakati fulani, il avait occupé presque tout le territoire. Alikala jimbo yote mzima. Allant presque de l'Égypte jusqu'en Irak. Utokea ku Misri kufika na ku Iraq. Donc il a occupé manake alikala une partie de l'Égypte. Alichukua sehemu ya Misri. Une partie du Liban. Na sehemu ya Liban. Syrie, na Syria. Arabie Saoudite. Na Arabie Saoudite. Iran. Iran. Irak. Na Irak. Voyez bien mes frères. Unaona ndugu mpendo. Il y a eu les Babyloniens qui ont occupé encore le même terrain. Ukobakaja Babeli na wakala. Le même territoire. Ile jimbo moya moya ile. Il y a eu les Perses parce que à une certaine période il y a eu beaucoup de guerres dans tout ce territoire-là. Les familles qui devenaient fortes combattaient les autres et quand ils gagnaient la bataille, ils occupaient le territoire. Il y a eu les Perses, il y a eu les Grecs, il y a eu les Romains, les Byzantins, il y a eu les Arabes. Vous voyez, on n'a pas le temps de vous dire toutes ces choses-là. Mais on peut le dire dans d'autres enseignements. Il y avait des guerres entre eux parce que ce sont des sauvages. Ce sont des gens sans esprit. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est leur comportement à l'égard d'Israël. C'est voir leur comportement méchant. Et comme ils ont le même dessein. Et les Syriens ont emboîté le même pas que leurs frères contre Israël. Dieu a prophétisé aussi contre eux. Regardez dans Jérémie chapitre 49. Jérémie chapitre 49. Verset 23 jusqu'au verset 27. Je vous donne ce verset, vous allez le lire à la maison. Sur Damas. Damas est la capitale de la Syrie. Damasiki ni mji mkubwa ya Syria. Hamat. Hamat. Et Arpad. Na Arpad. Sont confuses. Ce sont les villes dans la région d'Alep en Syrie. Mujimbo ya Alep kule kusuria. Car elles ont appris une mauvaise nouvelle et elles tremblent. Ilipata habari mbaya na wakaanza kutetemeka. C'est une mère en tourmente. Ni bahari yenye kwa katika kuugua. Qui ne peut se calmer. Ayezi kama kutulia. Damas est défaillante. Damas anashindwa nguvu. Elle se tourne pour fuir. Akageuka na kwanza ukimbia. Et le froid s'empare d'elle. Na kashika na boka mno. L'angoisse et les douleurs la saisissent. Boka na kutetemeka ikamushika. Comme une femme en travail. Sawa mwanamke mwenye kwa katika uchungu wa kuzaa. À cause de leur comportement, ajili ya tabia yabo, Dieu promet à Damas, à la Syrie, Mungu anamlaka Damas wala Syria, le malheur qui va la frapper. Ole ile tampiga. Il dit le malheur vient. Anasema ole kuna kuja. La paix vous sera ôtée. Watamiondosha salama. Et la douleur na maumivu et les tourmentes na mangaiko va occuper votre territoire et vos cœurs. Itashika mioyo yenu na jimbo yenu. Je mettrai du feu au mur de Damas dans le verset 27. Taweka moto mumaukuta ya Damasiki na et le feu dévorera le palais de Ben Hadad. Même les grands palais de vos rois seront en feu. Itawaka moto. Pourquoi? parce que vous avez agi méchamment contre Israël, votre frère. Tous les plans que vous avez conçus contre Israël pour sa destruction, vous allez en payer. C'est vrai. La joie disparaîtra de vos rues. La paix salama vous sera ôtée de votre cœur. Vous payerez cela. Regardez-moi aujourd'hui. La Syrie n'est pas en paix. Suria, aina musalama, apana. Tous ces pays-là, le Liban, la Syrie, yote, ils ne sont pas en paix. Aina musalama, na Suria. De temps en temps, Kilamara, le feu moto dévore leur palais. Iguna choma manyumba yabo, yabafana. De temps en temps, Kilamara, le feu moto et les bombes détruisent leur ville. Iguna bomoa ma miji yabo mkubwa. En temps, ils sont affamés. Ils n'ont rien. Leur économie tombe. Pourquoi? Ils sont contre Israël. Voyez bien, mes frères. Ils sont en guerre entre eux. Ils ne s'aiment pas sincèrement entre eux. Bien qu'ils soient unis ensemble pour combattre Israël à cause de leur haine. Mais le temps est arrivé parce que Dieu aussi s'est mis en fureur contre eux. Ils doivent payer ce qu'ils ont semé. C'est vrai. Regardez dans Amos. C'est pourquoi nous cessons d'insister. Comme la Bible le dit, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Bintu biote bibaya, ukona fanchi ya bandu kuna badada, bita kurudiria. L'Église est avec moi. Utebiripa, tu le payeras. Biki pande, biki shuke, kile unatende ya banduku. Na kile kuna tende ya badada utebiripa vile ulipenda vibaya vibafikie vile vibaya ulipenda vibafikie na vyo vitakufikia. C'est pourquoi soyez correct dans votre cœur, dans vos relations avec les frères et les sœurs, dans vos sentiments, dans vos actions. Soyez toujours correct dans tout ce que vous faites. Considérez la parole de Dieu. Craignez Dieu. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Craignons Dieu. Sinon, le mal que nous pensons faire aux autres nous atteindra. Amos chapitre 1. Amos sura ya kwanza. Versets 4 et 5. Dieu dit Mungu anasema, à la Syrie, vous pouvez me commencer au verset 3. Ainsi parle l'Éternel. Ivi Yehova anasema, à cause des trois crimes de Damas, kwa ajili ya mauaji tatu ya Damasiki, même des quatre, wala ya ine, je ne révoque pas mon arrêt. Parce qu'ils ont foulé Galade sous les traîneaux de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Azaël. Et il dévorera le palais de Ben Hadad. Je briserai le verrou de Damas. J'exterminerai Bakat avant les habitants. Nabakaji. Vous voyez, c'est la vallée de Syrie. Il est ni bon, c'est une vallée de Syrie. Tous les habitants de cette vallée Bakaji bote aile bonde seront exterminés. Atabamaliza. Vous voyez, munaona. Et des bêtes Eden. Na ya bet Eben. C'est lui qui tient le sceptre. Mwenye kushika mlango. Non, non, sceptre. Mwenye kushika. Continue, il est roi, il est le roi. Mwenye kushika bakora. Et le peuple de Syrie. Na watu wa Asuri. Sera amené captif à Kir, dit l'Éternel. Batabapeleka bafungwa kule kukiro, hivi Yehova nasema. Le Kir, ça se trouve actuellement en Irak. Kiro wanaita inapatikana kule ku Irak. Et le Kir ici, c'est ce qu'on appelle la ville de Kirkou. Ndio wanaita mji wa Kirkou. Ceux qui suivent les informations de l'Orient, on parle souvent de Kirkou. Il y a beaucoup de guerres ici. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Dieu promet qu'il enverra le feu en Syrie pour détruire les palais des Syriens à cause de leur méchanceté, à cause de leur haine, à cause de leur fureur, leur vengeance, leur mauvais sentiment à l'égard d'Israël. Oui, bien-aimés frères. Oui, bien-aimés sœurs. Dieu est un bon payeur. Kama unatenda bien, si tu agis en bien, Mungu atakulipa na ye mzuri. Dieu aussi te paiera en bien. Fuatana matendo yako mzuri. Selon tes bonnes œuvres. Kama unatenda mubaya, si tu agis en mal, Mungu tena na ye atakulipa. Dieu aussi te paiera. Unakufuatana na matendo yako mubaya. Conformément à tes actes qui sont mauvais. Ouais, parce que njo wa kuchakula. C'est à toi-même de choisir. Chacun de nous ici est devant un choix entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction, entre le bonheur et le malheur, entre la joie et la tristesse. Vous voyez bien mes frères, entre la vie et la mort, tu dois choisir. C'est vrai frère. C'est vrai ma sœur. Le comportement des frères d'Israël doit nous enseigner. Et doit nous amener à prendre de bonnes décisions sur nous et sur nos frères dans toute notre marche chrétienne. L'église est avec moi. Ce que nous voyons sur les frères méchants d'Israël est un grand enseignement qui doit nous redresser dans nos comportements de tous les jours jusqu'au retour du Seigneur. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Si tu es un insensé, tu ne comprends pas, tu agiras comme les frères d'Israël. Oh, pasteur, c'est ma maman Israël et d'Achouk, mais tu ne comprends pas. Quelle est la leçon? Oui, bien, tu as sema. Ni ma fouche au cani, mon manapenda au couleté à Weyeleo. Nous amener aujourd'hui. Est-ce que c'est de connaître seulement l'histoire du Moyen-Orient? Non, bien aimé frère. Non, bien aimé sœur. Oui, ça va m'teoule. Toi, en tant qu'élu. Oui, Jiwe, m'teoule. En tant qu'élu, en tant qu'un élu. Oui, Jiwe, que parfois chez Israël. Il faut te placer à la place. Si réellement. Tu te traites comme un élu. Comme un fils d'Abraham. Un fils royal d'Abraham. Mais parfois chez Israël. Prenez la place d'Israël. Et comportez-vous à la manière d'Israël. Vous voyez bien mes frères. Vous voyez bien mes soeurs. Ne prenez pas la position des frères d'Israël. Si le comportement des frères d'Israël se retrouve en vous, tu es un méchant. Tu es une méchante femme. Et tu n'as jamais été élu par le Seigneur. Le bonheur n'est pas pour toi. Dans Esaïe, regardez Esaïe. Esaïe chapitre 17. Isaïe sura 17. Oui, bien-aimé frère. La méchanceté, la haine, Lombaya, l'arrogance, Kinkinka, l'orgueil. Kiburi. Voyez. Unaona. Manque de respect à l'égard des choses de Dieu. Le mépris. Kazarau. Ce n'est pas une bonne chose. Non, bien aimé frère. Quand tu méprises les autres, le temps viendra où tu seras aussi méprisé. Quand vous traitez les autres méchamment, le temps viendra où toi aussi tu seras traité méchamment. Quand toi tu haïs, attendez-vous que tu seras aussi haï. Quand tu as de la jalousie, attendez-vous que les autres aussi le feront. Esaïe 17. Dans son verset 1, commençons par là. Vous pouvez aller jusqu'au verset 14. Oracle sur Damas. Voici. Damas est la capitale de la Syrie. Voici. Damas ne sera plus une ville. Elle ne sera qu'un monceau de ruines. Vous voyez, c'est ce que Dieu dit. Pourquoi? Regardez dans son verset 8. Ils se sont fabriqués des dieux, des statues du dieu soleil, des idoles d'Astarté. Vous voyez bien mes frères. Damas, ils étaient censés adorer le Dieu d'Israël. Parce qu'ils viennent de Noé. Ce sont des frères d'Abraham. Ils ont oublié même Dieu. C'est pourquoi dans le verset 11, Dieu le promet. Il dit, vous aurez des douleurs sans remède. C'est vrai frère. C'est vrai ma soeur. Quand vient le soir, voici c'est une ruine soudaine. Avant le matin, ils ne sont plus. Voilà le partage de ceux qui nous dépouillent. Les os de ceux qui nous pillent. Voyez bien mes frères. Ceux qui ont participé à la destruction d'Israël, ceux qui ont pillé Israël, ils vont récolter la même chose. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé sœur. Que Dieu nous aide. C'est vrai frère, à être correct dans toutes nos actions de tous les jours envers les frères et envers les sœurs. Ce n'est pas pour rien que l'Écriture nous exhorte à avoir toujours des pensées pures. Ayons toujours des pensées pures à l'égard des frères et à l'égard des sœurs. L'église est avec moi. Et quand vous levez les mains, vous leverez les mains vers Dieu avec la pensée pure. Quand vous levez vos mains vers Dieu, vous priez le Seigneur avec la pensée pure, avec les mains pures, votre prière sera reçue favorablement. Oui, bien-aimé frère. Mais quand vous élevez vos mains vers le Seigneur, avec un cœur plein de méchanceté, de vengeance, de rancune, de furie contre les gens, de la haine, vous ne recevrez absolument rien de la part de Dieu. Les secours de l'Éternel viennent aux hommes justes. Il vient au secours de ceux qui le craignent. Car au konavunja sauti ya Mungu, mumaisha yako, ni alama ya kuonesha kusema, hauna na heshima na Mungu. Na uko na beula neno la Mungu. Kama unabeula neno la Mungu, ni Mungu uko na beula. Parce que neno na Mungu, ni kitu kimoya. C'est la même chose. C'est par mépris que tu le fais. Oui, bien aimé frère. C'est pourquoi Jokwamana, la Syrie aussi va récolter. Suriana ya talipa. Il a déjà commencé à récolter. Aneshaanza kuvuna. C'est vrai, frère. Ni kweli. Et Dieu n'a pas, ne s'est pas seulement il ne s'est pas arrêté seulement à la Syrie. Mungu asikusimamie tu pasuria bule hapana. Il évolue. Anaendelea. Il a des prophéties contre Gaza. Comme je l'avais dit au début, Gaza est l'héritage de Juda. Israël a commis une grande faute. Quand Dieu dit à Josué, de prendre Gaza, ou de prendre tous les territoires que Dieu leur avait donné. Ils ont pris tous les territoires. Arrivé devant Gaza, les Gazaouites dans les rues ont envoyé des messagers. Ils ont fait semblant de s'humilier devant Israël, de demander grâce, de demander la miséricorde et la compassion d'Israël pour qu'ils ne les détruisent pas. Les Gazaouites disent, nous serons vos serviteurs. Nous serons vos esclaves. Nos femmes et nos enfants. Mais Israël a été imprudent. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Moumbari Mwambia Kaseme, Pale Utengia, Ouwa Bantu Bote, Naka Bebe, Kale Kenyiko Kumajiba, Kama One Kaja Kale Kabebe, Kaki Kome, Kata Kwa Kadu Yako, Ito Kwa Miba, Mikuru Yako Na Macho Yako. Il n'a pas compris cela. Il s'est fait flatter par les paroles des Philistins. Ya wa Philistia. Dit non, nous serons vos esclaves. Et ils ont accepté ça. Nao Israël a kaitika. Comme je vous l'avais dit autrefois, dans les premières heures, ces Philistins ont usé d'une grande ruse. Ils se sont humiliés avec l'objectif de comprendre d'où venait la force d'Israël et de voir où est la faiblesse d'Israël. Oui, bien, mes frères, il est ma démon yote. Il connaît mon maïs à Yako. Il est qu'on a coupé un beleza, na il est qu'on a katara ku combana na yo, na kote na yo. Jo itakuya à la part de votre destruction. Jo itakuwa msingi ya kuharibika kwako. Ne négligez jamais un péché dans votre vie. Zambia tamo ya mumaisha yako. Vous dormez? Munalala? Vous dormez? Eti munalala? Vous l'église vous dormez? Eti mwe kanisa munalala? Continuez alors à dormir. Wendele kumbikulala. Oui, bien mes frères. Unaona ntuko. Oaka tunaita kuina yote vita. Aka tuni kanzambi kilo. Ça c'est un petit péché. Baka kale kanzambi kalo kalo ko kale. C'est un petit péché. Aussi longtemps que condamné yako. Aussi longtemps qu'il est. Kata komea. Itakuwa nzambi munene. Itazala manzambi ingine. Njoo ile itakuwa. Ça produira d'autres péchés qui vont te tuer. Coupez tous les ponts avec tous les démons. Coupez tous les ponts avec les anciennes habitudes. Coupez tous les ponts avec tous les mauvais caractères. Ouais, bien mes frères. Ouais, bien mes sœurs. D'ailleurs, les grandes choses. Il est qu'on a ouï, n'a pas qu'à boucher à ce qui tue, c'est pas seulement l'adultère. Non. Ouais, bien mes frères. Tous les mauvais sentiments, tout le monde a la langage de légèreté. Où tu parles d'une manière dédaigneuse. Avec une sœur envers un frère. Ouais, on a semé des démons qui l'ont. C'est un grand démon qui se cache sous une forme maligne. Même quand la maladie entre le corps de l'homme pour tuer, là, les démons n'entrent pas en trompe. Quand maladie qu'en enzère qui l'ont. Sous forme d'esprit, il n'est pas de transformer. Ça devient maintenant physique. Et ça commence à ronger l'homme. Parlez-vous de la malarie. Na bamunda ka balanza kuyona. Ma bipimo yabo. Il y a un zaka en zamani. Il y a longtemps. Des fois, tu sentais de la fièvre, tu sentais des douleurs, mais chiquille, douleur est là. On est dans l'hôpital, on est king. Les démons sont déjà installés sous forme spirituelle. Ou les démons, on est canaque, comme Ayakuya, Ayakome, Ayakuya, sous forme physique. Oui, bien, mes frères. C'est pourquoi un véritable chrétien, avant d'aller à l'hôpital, puis d'aller à l'hôpital, tu as mungu va combler, va foucouser ou les démons. C'est le temps de Dieu qui prie sur toi pour chasser ces démons. Oui, bien, mes frères. Parce que ma démon ingine, ayone kanaga kuba munganga. Nini yenda tu, fana ni fima, aba one kintu. Oui, oui. Ni bantu. Oui, ce sont des humains. Beko. Il y a là où il, par où il commence. Oui, bien mes frères. La prière a des choses. Chasser les démons qui se cachent en vous sous forme spirituelle et de permettre que les médecins voient la maladie pour traiter les plaies ou l'endroit où les démons habitaient. Vous voyez bien mes frères. Oui, bien aimé, sœur. Quand vous négligez la prière, vous êtes aussi malheureux. Oui, bien aimé, frère. Oui, bien aimé, sœur. Je disais ceci. Négligence y a Israël. D'Israël. Na négligence. Et la négligence. Mukaji mungwa rumpacha Israël. Dans l'œuvre que Dieu a fait Israël. Yaku nettoyer. De nettoyer. Tous les territoires de Gaza. Jimboyote ya Gaza. Vous voyez. Kuko sakutimiza ile. Par manque d'accord. Mission mungwa rumpacha. La mission que Dieu pour sa propre paix. Dieu a salama yake. Son propre bonheur. Dieu a raya yake. Kuko sakutimiza. Par manque d'accord. Dieu inamulete michoko. C'est ce qui lui a porté des années. Depuis zaman. Jusqu'à aujourd'hui, pendant que je vous parle, voyez bien mes frères, voyez bien mes sœurs, même hier ici, Israël a bombardé. Israël a bombardé. Ah là, tranquille. Il n'est pas tranquille. Parce que Israël connaissant la haine de ses frères, ne peut à aucun cas faire confiance à ces hommes qu'il connaît comme ennemis. Mon Christ ou à quoi véritable chrétien. Ne peux jamais faire confiance au diable, au démon. Il ne peut jamais faire confiance au péché. Les péchés sont là pour te détruire. Les démons sont là pour te détruire. Un chrétien est vigilant. Il est attentif à tout ce qui se passe dans son cœur, à tout ce qui se passe dans son esprit, à ce qui se passe dans sa chair, à ce qui se passe dans ses sentiments. Il veille. Oui, bien aimé frère. Quand la Bible dit, répandez-vous. À part la communimiser, je me suis déjà répandu. Comment on a ta vie en ordre? Tu as dit que oui, bien-aimé sœur. Dieu d'Adampendoa. Et les Philistins. Non, wa Philistia. Les Gazaouites. Wa Gazaouites. Vous voyez. Unaona. Les Palestiniens, comme on les appelle. Les Palestiniens, vile banabaita leo. Oh, ils étaient d'une grande ruse. Baritumia bujanja bukubwa. Et quand ils ont vu. Wakati baliona. Qu'Israël était tombé dans un piège. Ya kwamba Israël aringia umutego. Qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire? Wakaanza kufanya nini? Ils ont commencé à donner leurs filles en mariage aux enfants d'Israël. Vous voyez? Lorsque quelqu'un devenait ton genre, les rapports de force changent. Et en plus de cela, les Gazaouites, les Philistins, Philistins, vous voyez, Barikwana, Babibi, Bazuri, ils avaient des belles Mwangari filles. Ata, regardez, Mwangari Ata, Mugaza, Mwangari, il est ma vidéo. Les vidéos que vous voyez, ce ne sont pas des lèvres de femmes. Ça, ça va les banamouke. Et ces femmes-là, lorsque se sont maquillées, lorsque se maquillent, vous la prendrez pour une. Vous voyez bien, mes frères. les Israélites, ils ont quitté le ils savaient pas comment c'est parti. Qui avait ils ont trouvé ces jeunes filles. Ils savaient comment Les enfants d'Israël sont tombés. Il est mouchanga. C'est mélange. Je n'ai pas pardonné cela. Vous voyez bien mes frères. On a tout compris. Vous voyez bien mes sœurs. On a tout compris. À cause de ce mélange. Il est mouchango. Israël est devenu faible. Israël a encore mouzaïfo. Ils ont fait entrer le péché en Israël. Israëli. Et en plus de cela, les Gazaouites étaient très rusés. Dans les premières heures, ils se tenaient, ils se cachaient derrière leurs frères, les ennemis d'Israël, pour donner tous les plans sur la destruction d'Israël. Pour annoncer à leurs frères, dévoiler à leurs frères les faiblesses d'Israël. Et Dieu a vu cela. Et Gaza a joué un rôle auxiliaire. Il était derrière ses frères comme aide. Comme un assistant pour qu'ils détruisent leurs frères. Et Dieu n'a pas pardonné cela. L'église est avec moi. Est-ce que l'église est avec moi? La deuxième chose. Dans les premières heures, après avoir couvumbu la faiblesse à Israël, il est tombé dans son piège. Israël, les Gazaouis, les Philistins, ils sont allés voir leurs frères à côté. On leur a donné les plans parce qu'ils les ont aidés pour qu'ils puissent détruire Israël. Même aujourd'hui, en Gary, les voir supporter Gaza. Regardez ce qui sont Gaza. Qui sont-ils? Vous voyez, ce sont les Iraniens. Les Yéménites. Regardez, ce sont les Syriens. Les Ce sont les Libanais. Les Libanais. Tous les frères arabes sont ensemble avec les Gazaouites. Les Hezbollah que vous entendez. Qui sont là? Ils ont juré. Israël doit disparaître. Et les Gazaouites sont là pour les aider. Et Dieu dit, ça, je ne peux pas accepter ça. Regardez dans Jérémie chapitre 47. Frère, écoutez l'église de Kambove. Mon frère, ma soeur, apana kusaidia muntu mubaya apate kuatendre objectif yake. Pour qu'il ne puisse pas atteindre son objectif. Je reprends. Kanisa ya Kambove. L'église de Kambove. Apana kuya musada. Ne soyez jamais un secours. Yakusaidia muntu mubaya dede un méchant Dieu atimise mapo yake pour qu'il ne puisse pas accomplir ya mubaya sur quelqu'un yule ya mtu mwingine hapana ne le fait jamais sikafanye kama vile wewe bien mes frères unaona ndugu mpendo mimi nasema mara ya tatu je le dis pour la troisième fois apana kusaidia muntu mubaya il faut jamais aider atteindre ma objectif yake ya mubaya sur quelqu'un sur une famille son mauvais objectif est sur quelqu'un. L'église est avec moi. Alors si vous comprenez ça dites amen. Vous voyez bien mes frères, si vous comprenez ça dites un fort amen. Un chrétien est là c'est pour soutenir le royaume de Dieu. Il soutient le royaume de Dieu avec d'abord lui-même, avec tout ce qui est en lui, avec ce qu'il a entre ses mains, avec son argent, avec sa maison, avec tous ses biens. Oui, bien aimé frère, il soutient le royaume de Dieu. Ne soutenez jamais le diable et les enfants du diable pour atteindre leur objectif. Non, bien aimé frère. Non, bien-aimé sœur, ne le faites jamais. C'est vrai, frère. Promettez cela au Seigneur. Vous n'êtes pas la main pour aider Satan. Tu n'es pas la main du diable pour travailler pour le diable. Nous sommes la main du Tout-Puissant pour travailler dans notre corps. Nous sommes le corps de Christ. Nous ne sommes pas le corps de Satan. Nous sommes les membres du corps de Christ. Nous devons travailler pour que notre royaume croisse, pour que notre roi soit béni de l'Éternel, pour que notre royaume soit dans une bonne santé. Apana kubeba nguvu yako, unabeba maungu yako, unabeba franga yako, unabeba bintu yako, tu ya wewe kusutenir nayo shetani. Non, bien-aimé frère. Non, bien-aimé sœur. Vous serez détruit. Ça s'appelle le péché de participation. Zambi ya we kushiriki. Oui, bien-aimé frère. Unaona ndugu mpendwa. Muntu franga. Tu ende akatimize ama kwa yake bubai. Accomplir un mauvais plan. Non, Dieu ne peut pas te pardonner. Mungu hawezi kusamehe. Il ne va pas te pardonner. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Jérémie chapitre 47. C'est ce que je disais. Jérémie chapitre 47. Écoutez. Jérémie chapitre 47. Je commence au verset 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. Le prophète sur les Philistins. Nabi yule wa Philistia. Avant que Pharaon frappe Gaza. Bele ya Pharaoni kupika Gaza. Ainsi par l'Éternel. Ivi Yehova na sema. Voici des eaux s'élèvent du septentrion. Tazama maji na lamka kwa asubuhi. Et elles sont comme un torrent qui déborde. Iko sawa muto yenye kuyala. Continuez. Mwendele. Verset 4. Msaria ine. Parce que le jour arrive. Wani siku iko nakuja. Où seront détruits tous les Philistins. Ba Philistia bote. Exterminés. Watabamaliza. Tous ceux qui servaient encore d'auxiliaires. Bale bote barikuwa nasaidia muungano. At Atir. Kwa Tiro. Et à Sidon. Na kwa Sidoni. Car l'Éternel va détruire les Philistins. Wakati yemi yo. Et le reste des îles de Kafor. Na mabaki ya Kisanga Kafor. Gaza est devenu chauve. Gaza na kwa wa kipa. Ascalon. Ascalon. Et dans le silence, c'est une ville de Philistins. Ni muja wa Philistia. Elle est de leur plaine. Ya biwansa ya bo. Regardez le verset 4. C'est ici où Dieu a caché sa colère contre ces gens. Dieu apa Mungu alificha kasirani yake kwa ba watu. Parce que le jour arrive. Wani siku iko nakuja. Où seront détruits tous les Philistins. Mule mutaribishwa ba Philistia bote. Exterminés. Tous ceux qui servent encore d'auxiliaires. Encore. Mukumaliza bale bote beko na saidia tena. Na leo hii. Jusqu'à aujourd'hui. Les Gazaouites. Ba Gazaouites. Font l'œuvre auxiliaires. Contre les Hezbollahs. Contre les Yéménites. Contre les Irakiens. Et les Iraniens. Na ba Iraniens. Et même contre les Jordaniens. Tena Jordaniens. Voyez, ils sont là pour les aider. Encore comme auxiliaires. Ils sont des aides. Ils assistent. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Dieu ne peut pas les pardonner. Et pourtant, les Gazaouites sont les enfants de Cam ou Cham, qui est toujours le fils de Noé. Noé. Mwenye kwa mtoto wa Noa. Oui, mes frères. Ils ont le sang. Ils ont le même sang avec Israël. Mais ils ont changé de camp. Ils sont devenus ennemis d'Israël. Oui, bien aimé frère. Oui, bien aimé soeur. Je vous en supplie. Au nom du Seigneur. Je le répète encore une fois. Au nom du Seigneur. Ne soyez jamais une aide pour quelqu'un qui veut accomplir ce mauvais projet sur quelqu'un. Je pouvais m'attarder ici même pendant une semaine. Frère Moya, un frère, Anachukia, frère Mwingine. Il a eu un autre frère. Ou frère Moya, Anachukia, une famille. Il a eu une famille. Ou une sœur, Anachukia, sœur Mwingine. Il a eu une sœur. Ou Jama Mwingine. Une autre famille. Maintenant, ça mukono yake ni mufupi. Pour accomplir son projet, et qu'on a pu utiliser Weye. Pour que tu accomplisses son plan. Utimiza mapu yake. Voilà les mes frères. Unaona ndugu mpenzi. Voilà les mes sœurs. Unaona dada mpenzi. Kama unashikia sœur. Si tu écoutes une sœur. Et qu'on a sema vibaya. Parle à ma. Ya sœur Mwingine. Une autre sœur. Ni kaji kani yako na kupachia. Qu'est-ce que Ekona kupanda yake chuki. Tu upate kumchukia ule sœur. Ah ule frère. Ou ses frères. Wanze kutenda à sa place. Et tu commences à agir à sa place. Voilà les mes frères. Non, kujitumbukiza mzambi ya mtu mwingine na péché d'autrui. Wewe bien mes frères. Unaona ndugu mpendi. Wewe bien mes sœurs. Unaona dada. Quand quelqu'un. Wakati mtu. Un frère ou une sœur. Moya wala dada. Méprise son prochain. Ah, je m'pende tena jirani. Il méprise son prochain. Na beula jirani wake. Ni jua umpende. C'est pour que toi tu puisses l'aimer. Ni jua umpende. C'est pour que tu puisses à ton non bien aimé frère. Apana ndo kumpendo. Muro yake. Dans son cœur. Eko déjà na ma plan mubaya. Il a déjà na ma sentiment mubaya. Il a de mauvais sentiments. Contre son frère ou sa sœur. Kumbanisha ule ndo kumpendo. Maintenant, anakuita umusaidie. Tu puisses aider. Mchukie ule frère. Afin que vous mchukie ule sœur. Ses frères. Muwa ule frère. Vous puissiez ule sœur. Ses frères ou ses sœurs. Et je ne peux pas pardonner cela. Muwa wesi kurumia hiyo. Oui, bien aimé frère. Unaona ndo kumpendo. Oui, bien aimé sœur. Unaona même une femme mariée, ata bibi wando, ma soeur, dans les cas de milomo mulefu, qui avait des longs de la vie, parlait des problèmes de d'autres, baki ya nabwana yako, reste avec ton gombana na bukweri yako, reste dans ton foyer, apana kuingisha mukono yako na milomo yako, il faut pas insérer ta main telle ya mtu mwingine dans le mariage de quelqu'un, kama bibi nabwana wanaisha kukosana, si le mari et la femme, bibi yako naenda kuraconter le mal de son mari, la femme raconte bubaya, akona kuraconter le bubaya, niju ya nini le mal de son mari, pourquoi? C'est pour que tu aies de mauvais sentiments à l'égard de son mari. Tu le considères comme quelqu'un qui le maltraite. Son mari est méchant. Et qu'on a pu transférer ma démon yake. Tu te transfères ce démon. Oui, bien aimé frère. Non, non, tout quand un frère te dit le mal de sa femme, c'est pour que tu puisses aimer sa femme. Non, frère. Apana ma divorce yote. Il langage d'affection. Ya mapendo, on est d'accord à compter même les différents. Vous allez vous mettre ma. Il est mon connard la Bible, il y a qu'on a bonheur. Que vous avez avec la femme sur le. Comment Dieu peut te pardonner? Non frère. Non ma soeur. Tu racontes cela. Unasema. Ni jour. C'est pas ça. Kazara ou. Les mépris. Isaac mettre à l'égard de cet homme-là. Et celui qui te raconte ces choses, tu utilises comme un bras d'aile, comme un bras. Tu deviens son aide pour abattre l'autre là. Oui, bien aimé frère, il sème en vous l'esprit de dedans. Mon le monde où le dada ou le frère soit quelqu'un qui ne mérite pas le respect. Et Dieu n'a pas accepté cela. C'est le travail que Gaza a fait beaucoup sur Israël. Regardez même là aujourd'hui dans les rapports que Gaza donne à l'ONU. Il est Gaza, le rapport, l'hypothèse de toujours des faux rapports. Regardez quand il présente les enfants Bomba, les gens qui sont morts. Avant, on est chacun un terroriste. Ils ne montrent pas que c'est un terroriste. Ce sont des bébés innocents. Ils ont tué, ils ont bombardé. Aucun combattant de ce qu'on est mort, mais ce sont des bébés. Ils font quoi? Ils cherchent la compassion d'autres méchants pour qu'ils haïssent toujours Israël. Dans Israël, devant le monde, on est carrément comme un Toumoubaï. Ils sont considérés comme méchants. Ceux qui ont commencé la guerre le 17 octobre. Israël n'avait jamais commencé cette guerre-là. Quand Israël se défend, lui il devient maintenant mauvais. Vous voyez bien mes frères, vous voyez bien mes soeurs, ne soyez jamais un assistant dans le mal, ne soyez jamais une aide. Ne jamais, jamais, il ne faut jamais secourir quelqu'un dans son mal pour atteindre son objectif. Oui, bien mes frères et sœurs. Il faut aller loin de cela. Regardez encore. Regardez. Ecclésiaste. Ézéchiel 25. Ézéchiel 25. Ézéchiel sura makumbi nata. Angaria kaja abantu kona fwani. Regardez le travail. Et Dieu n'a pas apprécié cela. C'est vrai frère. C'est vrai ma sœur. Regardez. Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 25. Sura makumbi natano. Commencez au verset. Monsieur Musari. Ah, au verset 15. Musari makumbi natano. Verset 15 jusqu'au verset 17. Ufika na kumi na saba. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ivi Bwana Yehova nasema. Parce qu'ils se sont vengés. Non, parce que les Philistins. Kwani wa Filistia. Se sont livrés à la vengeance. Les Philistins sont les Gazaouites. Je reprends. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que les Philistins se sont livrés à la vengeance, les Gazaouites. Parce qu'ils se sont vengés de dénuement. Et du fond de leur cœur, voulant tout détruire dans leur haine persistante. Voyez, est-ce que nous connaissons un ami? Mais mon goût, c'est Dieu. Dieu qu'on a révélé comportement. Qui révèle le comportement. Il y a Gaza, les gardes d'Israël. Le Gaza, mbele ya Israeli. Qui est tout qui a Kwanza? La première des choses. Les Philistins. Ou Philistia. Comme Gaza. Et les habitants de Gaza. Sont, ont travaillé. Baritumika. Comme une aide. Comme les assistants. Pour que les ennemis d'Israël. Atteignent leur but. Ma patte mouaribu Israeli. Et deuxièmement, ils sont livrés, ils sont habités par un esprit de vengeance. Et l'esprit de vengeance sur Israël, qui demeure dans leur cœur, les amène à les dédaigner. Vous voyez bien mes frères, voulant toujours tout détruire dans leur haine persistante. Oui, bien mes frères, oui, bien mes soeurs, et comprenez frère, quand quelqu'un dédaigne un autre, il va le traiter comme un sous-homme. Vous voyez bien mes frères, il le traite comme quelqu'un d'inférieur à s'assoit, qui ne mérite aucun respect. Les Gazaouites traitent Israël comme un peuple qui ne mérite aucun respect. À cause de leur haine, à cause de leur vengeance, c'est ce qui les amène à parler avec dedans. Écoutez frère, écoutez sœur, nous sommes une famille ici, et en tant que frère et sœur devant Dieu, nous sommes sur le même pied d'égalité. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Même le pasteur n'est pas grand. Nous sommes des frères. Vous voyez bien mes frères. Nos relations doivent être d'égalité en égalité. Nekusema, tu n'as pas à quoi chimiana. Bengine kwa bengine. Na ile heshima Mungu akone tulomba nayo. Avec ce respect. On a un frère, faut pas considérer un frère. On a une soeur, faut considérer une soeur comme un sous-homme. Quelqu'un qui ne mérite pas ton respect. Tout la chistaïl, tu peux traiter le frère ou la soeur comme tu veux. Non, frère, cela anime la colère de Dieu. Où le monde qu'on a traité de cette manière? Où le monde, frère? Où le frère? Où le soeur? Où le qu'on a traité? Avec dedans. Il y a un Johanna Kombea qui la chuku tous les jours. Si aujourd'hui tu es en bonne santé, dans la maladie que tu avais là et que Dieu t'a guéri, c'est la prière de ces frères, de cette soeur là, que toi tu dedans. Quand tu as des problèmes, c'est une puissance en secret. C'est une puissance en secret. Il y a des frères et des soeurs. Des fois, ils n'ont pas d'argent. On ne connaît même pas par le pasteur. Ils ne sont pas connus par le pasteur. Mais le Dieu du ciel les connaît. Quand une requête est annoncée ici, dans leur prière secrète, ils amènent ça devant le trône de Dieu. Et Dieu a toujours été favorable à leur prière. Même devant tout, qui devait être votre bouclier, tu vas le traiter comme des sous-hommes. Dieu ne peut pas être d'accord avec toi. Dieu ne peut pas. Mungu hawezi kama kuitia. Unaona ndo kumpenda. Gaza ici. Gaza huyu. Entièrement. Il vit par Israël. Il vit par économiquement. Na maye kona kunywa. Même le kibwa. Na bukari kona kuria. Mikate kona kuria. Ça vient d'Israël. Yote natokea pa kwa Israeli. Gaza sans Israël. Gaza bila Israël. Ne peut pas vivre. Ayezi kuishi. Na sabuni yaye kuna wanayo. Inatoka mu Israël. Ça vient d'Israël. Vous voyez bien mes frères. Mais c'est l'homme qu'il est. Il est de ses frères. À l'intérieur d'Israël. Il est de les Iraniens. Et les Irakiens. Et les Yénémites. Et les Libanais. Et les autres Syriens. Vous voyez, pour combattre Israël. Non, bien mes frères. Non, bien mes soeurs. Ne le faites pas. Vous voyez bien. Mes frères, il faut jamais mépriser les gens. Dans bien mes frères, tu vas mépriser quelqu'un parce que tu penses qu'il n'est rien, mais toi tu ne connais pas l'avenir de chacun de nous. Tu as l'argent aujourd'hui, mais tu n'as rien. Dieu peut le bénir. Les bâtiments commerciaux que vous voyez, il est ma bâtiment, dans les années 70-80. Dans l'année 70. Ça, c'est une nouvelle génération. À cette époque-là, aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Vous bien mes frères, respectez tout homme. Même si vous n'êtes pas d'accord avec lui, si vous n'êtes pas d'accord avec ta soeur, ou moi, chimie, parce parce que c'est un enfant de Dieu. Ça c'est vrai, frère. Ça c'est vrai, sœur. Ils ont traité avec dedans. Israël. Israëli. Et Dieu n'a pas accepté ça. Namungu, regardez dans Psaume 31, Zaburi, verset 16. Psaume 31, verset 16. Makumi tatu na moja, Zaburi, kumi na sita. Psaume 31, c'est la prière d'Israël. Ni maombi ya Israëli. Écoutez, commençons au verset 15. Transiata musara kumi na tano. Mais en toi, je me confie au Éternel. Oh, Yehova, mimi nakutumainia. Je dis, nikasema, tu es mon Dieu. Uko Mungu wangu. Que chacun dise, kila mmoja aseme, Jésus-Christ, Jésus-Christ est mon Dieu. Ni Mungu wangu. Jésus-Christ, Jésus-Christ est mon bouclier. Ni ngabo yangu. Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma protection. Ni ukingo yangu. Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma bénédiction. Baraka. Jésus-Christ, Jésus-Christ est ma vie. Jobu. Jésus-Christ, Jésus-Christ est tout ce dont j'ai besoin. Yote ile mimi nahitaji. Il est mon médecin. Yuko munganga wangu. C'est vrai, frère. Il est ma santé. Il est tout ce dont j'ai besoin sur cette terre. Alors confiez-vous en lui. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence. Oh, ces jours de mort, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses qui parlent avec audace contre les justes, avec arrogance et dédain. Oui, bien aimé frère. Il parle avec arrogance. Et il parle avec dedans. Que Dieu n'exauce pas leurs prières. Oui, bien-aimé frère. Oui, bien-aimé sœur. Dieu ne peut pas accepter cela. Vous voyez bien-aimé frère. Vous voyez bien-aimé sœur. Je vous en supplie. Acceptez toute la parole de Dieu dans son entièreté pour être en paix avec le Seigneur. Acceptez la parole de Dieu et tous les conseils de Dieu dans leur entièreté pour être favorable devant le Seigneur. Voyez bien mes frères, voyez bien mes soeurs. N'aidez jamais un méchant pour accomplir ses plans. Non. Ne parlez jamais avec arrogance, avec dédainement sur un frère ou sur une soeur. Ne traitez jamais un frère, ne traitez jamais une soeur comme quelqu'un sans valeur. Frère, ma soeur, tu es un homme de valeur. Tu y as du prix devant Dieu. Attaque comme un chef de quartier. Même si tu n'es pas un chef de quartier. Attaque on a la laca. Même si tu passes une nuit. Attaque on a si tu manges. Makanda. Y a nyoko sa bukari. Les écorces de. Frère. Attaque on a na nyumba. Même si tu n'as pas la laca toi. Tu passes une nuit dans le monde. Mais si ton cœur est habité par le Seigneur Jésus, tu es un homme de valeur devant Dieu. Oui, bien aimé frère. Et tu as de la valeur. Attaque avant ta kweshimie. Mungu wa kumbingu ana kweshimia. Lazare dans la Bible. Lazare dans la Bible. Lazare en Bible. N'avait pas de maison. Ashukwa na nyumba. Lazare n'avait même pas d'habit. Lazare ashukwa tana mavazi. Lazare n'avait pas une bonne table. Lazare ashukwa na meza. Lazare Lazare anza kufuia. Il voulait Les miettes. Table. Mais cela ne l'a pas empêché d'être un fils d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. Et nous avons du prix devant Dieu. Vous voyez, mes frères, pour ma chikini, la pauvreté, pour ma chikini, la pauvreté, pour que vous fassiez haïa, que ça ne puisse pas tomber. Parce que vous l'avez fait dans ma chikini, c'est lui qui a fait dans ma tâche. Le pauvre, c'est le même qui a fait dans ma tâche. Mais il a fait dans ma tâche, il est dans ma tâche. Mais ma chikini, mon kiro, matériellement, mais vous êtes comme ça, mon ma chikini, mon mouille, mais mon ro, ou comme vous t'agir, spirituellement, tu es riche. Vous avez une bénédiction éternelle. Il y a mille années. Vous voyez, mes frères, les autres ont une bénédiction passagère. C'est pourquoi, il ne faut pas t'agenouiller devant Dieu. Non, bien, mes frères, tu es une fille du roi, tu es une princesse, tu es un prince. Garde ton honneur, Dieu est avec toi. Seulement, n'aide pas les méchants à atteindre leur objectif. Seulement, ne méprisez aucun homme. Mais même si c'est lui la terre, même vous aurez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse pour ce matin. Lève-nous pour la prière. Oui, bien mes frères. Gaza, les Philistins ont été des assistants aux méchants frères d'Israël pour détruire Israël. Dans leur arrogance, ils ont dédaigné Israël. Ils ont dédaigné même les dieux d'Israël. C'est vrai, frère. C'est vrai, ma soeur. Nous chante un cantique. Vous vous chantez, si c'est là, vous complétez à l'appel de Dieu. Entre les deux là, vous chantez quoi? Un clone tête, nous méditons la parole. Tu as mis chez lui, tu as dû refuser les nains. humble. Ne soyez pas une aide. Ne soyez pas les bras des méchants. Pour atteindre son objectif. Ne dédaignez personne. Ne parlez jamais avec arrogance. Que l'amour de Dieu demeure dans nos cœurs. Respectez chaque frère. Respectez chaque soeur. Honorez chaque frère. Honorez chaque soeur. Aimez chaque frère. Aimez chaque soeur. Aimez Dieu. Obéissez à Dieu. Mungu wetu na baba yetu. Notre Dieu et notre Père. Jina lako ni Bwana Yesu Kristo. Ton nom c'est le Seigneur Jésus. Namasemo inetukosa. Nous manquons même de mots. Maneno tunatoka kushikia. Parce que ce que nous venons d'écouter. Aina nduku ngoi. Ce n'est pas le frère Ngoi. Ni weye mwene kutusungumuzia. C'est toi qui nous a parlé. Voilà pourquoi nos cœurs sont vivement touchés. Nous étions agités quand bien même nous étions assis. Nous voyons que le même Dieu, c'est lui qui avait révélé aux Samaritains tout ce qu'il avait fait dans le noir. C'est toi au milieu de nous. Et tu connais le secret qui se trouve dans nos cœurs. Les actes dans l'obscurité, toi tu les connais. C'est pourquoi tu es venu ce matin pour nous parler de cette façon, de nous avertir. Tu es Dieu et tu veux notre bénédiction. Au nom de notre Seigneur Jésus Christ, accepte de nous pardonner. Tu connais notre état. Il est écrit dans la Bible qu'un homme né de la femme et de l'homme voit le péché comme de l'eau par notre façon de parler, nos pensées, nos actes. Chaque fois, ce n'est pas correct. Mais une seule chose que nous te demandons, accepte de nous pardonner. Nous sommes des hommes. Il est écrit, Bwana, celui qui met à nu ses fautes et prend la décision d'abandonner, celui-là reçoit miséricorde. Accepte de citer des bonnes décisions dans chacun de nous. Que nous ne puissions pas revenir dans notre ancienne vie, notre façon de parler et même nos actes anciens. Et la façon dont nous étions en train de vivre, la parole que nous venons de recevoir aujourd'hui, que nous puissions dire, ça en est assez. Tout ce que nous avions fait, ça en est assez. Aide-nous, Bwana, que nous puissions marcher de nouveauté. Tu n'as pas envoyé ta parole en vain. Tu veux voir que nous puissions marcher à nouveauté de vie. Aide chacun de nous. Aide chaque frère, chaque soeur. Celui qui t'a imploré, Namoyote, accepte de lui accorder la force de marcher encore. Fais en sorte que le jour à venir soit des bons. une bonne vie. Que nous puissions produire de bonnes fruits et que l'odeur de Jésus-Christ puisse dégager. Seigneur, et même prier, nous ne savons pas. Mais Dieu est Dieu. Tu sais voir la préoccupation que c'est dans chaque cœur et fais en sorte que tu puisses donner les yeux. J'ai ton regard sur chaque cœur qui souffre de la façon dont il avait mal marché. Et aide-lui, Boine, que l'honneur et la gloire puissent te retourner. Bénis ton serviteur. Lui aussi, c'est un homme. Il a besoin de ton secours. Tout ce qu'il dit, c'est pour que lui aussi et nous ensemble, que nous puissions être sauvés. Souviens-toi de lui, attire de lui assister. Assiste à sa maison. Souviens-toi de nos maisons, Boine. Que l'honneur et la gloire puissent te revenir. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.